Chapitre 7e. Rétrogradation. Abandonnée à elle-même, Cécile éprouva un trouble qui lui avait été inconnu jusqu'alors. Tout ce qui lui était arrivé depuis peu lui paraissait un songe. Elle n'avait qu'un souvenir imparfait de ce qui venait de se passer dans l'instant et de la promesse qu'elle s'était engagée d'accomplir. Tout chez elle était doute, inquiétude et agitation. Mais lorsqu'enfin l'usage de sa raison lui revint et qu'elle vit sa situation telle qu'elle était réellement, dégagée de fausses terreurs ou d'espérances trompeuses, elle s'aperçut que la tranquillité d'esprit était plus éloignée d'elle que jamais. Quoique jusqu'alors les chagrins ne lui eussent point été étrangers, que la maladie et la perte prématurée de ses parents les lui eussent fait connaître de bonne heure, que les peines d'esprit qu'elle avait éprouvées ensuite lui eussent appris à les supporter, elle avait toujours été soutenue et consolée dans ses afflictions par la persuasion de n'avoir aucun reproche à se faire. Mais la démarche qu'elle allait risquer était contraire à ses principes, et lui paraissait condamnable. À peine eut-elle perdu Delville de vue, qu'elle se repentit d'y avoir consenti. Et regardant cette faiblesse de sa part comme déshonorante, elle se persuada que si les parents de Delville se réconciliaient jamais avec lui, le souvenir d'une faute volontaire continuerait à la tourmenter, ternirait sa réputation. Elle avait trop d'équité pour chercher à excuser le consentement qu'elle avait imprudemment donné, en rejetant la faute sur l'importunité des sollicitations de Delville. Elle ne pouvait se dissimuler que sans son amour pour lui, ses prières auraient été infructueuses, et que, de toute autre part que de la sienne, elle n'aurait produit aucun effet. Le souvenir de Madame Delville augmentait encore sa douleur et ses remords. Elle se reprochait les chagrins qu'elle allait causer à cette dame pour qui elle était pénétrée de respect et d'attachement. Elle redoutait leur première entrevue, à laquelle elle pensait continuellement. Elle frémissait en songeant aux reproches et au mépris dont elle l'accablerait. Mais il était trop tard pour manquer à une promesse solennelle et pour se rétracter au moment où Delville se croyait certain. L'honneur, la justice et les convenances s'accordaient à lui faire sentir qu'il n'en était plus temps. « Et cependant, s'écria-t-elle, n'est-ce pas s'attacher aux apparences aux dépens de la réalité? Si l'on est criminel en consentant à ce qui est mal, ne l'est-on pas davantage en le faisant soi-même ? Cette idée l'affecta si vivement qu'étouffant ses regrets, elle prit le parti d'écrire sur le champ à Delville qu'elle avait changé de sentiment. Après les engagements qu'elle avait pris avec lui, il était assez difficile de lui faire approuver un pareil changement. Elle commença plusieurs lettres et n'en fit aucune. Elle fut obligée de renoncer à ce moyen, d'autant plus qu'elle ne savait point son adresse. La promptitude avec laquelle leur projet avait été conçu et arrangé les avait empêchés d'imaginer qu'ils pussent être dans le cas de s'écrire. Delville savait bien que l'adresse de Cécile serait toujours la même et qu'elle ne changerait pas de demeure dans cet intervalle. Et quant à lui, comme son voyage de Londres devait être secret, il se proposait de n'avoir aucune habitation fixe. Ils étaient convenus de se rencontrer le jour même du mariage chez Madame Roberts, d'où il se rendrait directement à l'église. Il lui était cependant aisé de lui écrire sous le couvert de Madame Hale, en la chargeant de lui remettre sa lettre lorsqu'il viendrait chercher Cécile le jour convenu, mais attendre jusqu'au dernier moment, après que M. Belfield aurait dressé l'engagement, que les dispenses ecclésiastiques auraient été obtenues, que le ministre serait prêt à leur donner la bénédiction nuptiale. Dans l'instant où Delville serait persuadé qu'ils allaient être unis pour toujours, lui manquer serait trahison et tyrannie. Delville n'avait rien fait qui méritât un pareil traitement. Il n'était coupable d'aucune perfidie. Il avait ouvert son cœur, et après s'être montré tel qu'il était, il n'avait tenu qu'à elle de l'accepter ou de le refuser. Un rayon d'espérance commença à percer au travers de ses craintes. « Il ne m'est donc plus possible, s'écria-t-elle, de reculer. Manquer sans raison à ma promesse, au moment de la réaliser, serait changer seulement la manière de mal faire, sans que ma conduite en fût pour cela plus recommandable. » Cette idée la calma. Il lui paraissait qu'elle ne pouvait plus éviter de devenir l'épouse de Delville, et elle s'en consolait, en pensant qu'il n'était plus en son pouvoir de se soustraire à sa destinée. Le lendemain, M. Monckton arriva. Delville n'avait pas eu plus d'empressement à lui communiquer son projet que celui-ci, inspiré par le désespoir, n'en eut à faire auprès de Cécile tous ses efforts pour le renverser. Ni sa philosophie, ni l'empire qu'il avait sur ses passions, ni le soin qu'il avait toujours eu de subordonner son amour à ses intérêts, ne furent capables de le contenir. Les raffinements de l'hypocrisie ne lui présentaient plus que des ressources trop éloignées et exigeaient des ménagements trop délicats pour une conjoncture aussi alarmante. Depuis plusieurs années, il s'était conduit avec beaucoup d'adresse et l'attention l'a mieux soutenu. Le succès dans ces derniers temps avait paru couronner ses efforts. Les infirmités de sa femme, qui augmentaient chaque jour, la retraite de Cécile, tout le flattait qu'il touchait au moment attendu si impatiemment. La surprise et la fureur que lui inspirait une pareille situation lui ayant fait oublier sa circonspection ordinaire, il entra dans l'appartement d'un air si agité, si ému, que Madame Charlton et ses petites filles ne purent s'empêcher de lui demander ce qu'il avait. « Je suis venu, » répondit-il brusquement, en tâchant cependant de se remettre, « pour parler à Miss Beverley d'affaires importantes. »« Ma chère, » dit Madame Charlton, « vous feriez bien en ce cas de passer avec monsieur dans votre cabinet de toilette. » Cécile, rougissant, se leva et lui montra le chemin assez froidement. Elle redoutait une conférence dans laquelle elle prévoyait que tout se passerait de sa part en exhortation et en reproche, auquel elle ne répondrait que par un silence qui exprimerait sa confusion et sa timidité. « Grand Dieu, » s'écria-t-il, « que venez-vous de faire ? Vous vous êtes engagé à épouser un homme qui vous méprise, qui vous habilie, qui refuse de vous connaître pour sa femme ?» Choquée de ce préambule, elle frémit et n'eut pas la force de répondre. « Ne vous apercevez-vous pas, continua-t-il, de l'indignité avec laquelle on vous traite ? Le voile dont cette insulte est couverte peut-il vous la dérober ? Est-il possible qu'elle ait échappé à votre délicatesse et à votre discernement ? Je ne croyais pas, je ne pensais pas, dit-elle avec confusion, m'exposer à aucune indignité, en faisant céder mon amour-propre aux convenances, dans une circonstance aussi extraordinaire et pour un temps. Aux convenances, répéta-t-il, dites au mépris, à la dérision, à l'insolence. Ah, monsieur Moncton, interrompit Cécile, n'employez pas ces expressions, elles sont trop dures pour que je puisse les entendre. « Vous vous trompez, vous vous abusez grossièrement, » répliqua-t-il, « si vous doutez un seul instant de leur justesse. On ne s'est pas seulement donné la peine de vous cacher la trame ourdie contre vous, et il n'est qu'un aveuglement volontaire qui puisse vous empêcher de l'apercevoir. « Je suis fâché, monsieur, » dit Cécile, dont la confusion commençait à faire place au ressentiment, « que vous en pensiez ainsi. Je le suis aussi de la liberté que j'ai prise de vous importuner dans cette occasion. » Cette manière de s'excuser, qui ne lui prouvait que du mécontentement, fit bientôt sentir à M. Moncton qu'il avait mis trop de chaleur dans ses reproches, et il tâcha de prendre un ton plus modéré et lui dit « Ne soyez point offensé, ma chère Beverley, d'une liberté qui ne vient que du désir que j'aurais de vous être utile. Je croyais, je l'avoue, que notre intimité, notre ancienne liaison, l'autorisait. Il m'est impossible, vous voyant sur le bord du précipice, de ne pas vous dire ce que je pense. » Cependant, si ma sincérité vous offense, je me tairai. Non, non, vous ne vous tairez point, s'écria Cécile. Votre sincérité ne saurait que me plaire, puisque jusqu'à présent elle m'a été utile. Peut-être ai-je mérité la censure la plus sévère de votre part. J'avoue qu'avant votre arrivée, je la redoutais. J'aurais dû par conséquent y être mieux préparé. Vous devez, reprit-il, connaître mon zèle et le désintéressement avec lequel je vous suis dévoué. Je ne veux que prévoir et vous indiquer les périls auxquels pourrait vous exposer la mauvaise foi et la duplicité de ceux qui ont des vues opposées à votre repos et à votre félicité. « La mauvaise foi et la duplicité ?» s'écria Cécile, voulant défendre l'honneur de Delville, « n'ont point été employés contre moi. Les bonnes raisons, et non la séduction, m'ont décidé, et si j'ai mal fait, ceux qui m'ont engagé ont erré aussi involontairement que moi. « Si ma franchise, reprit M. Moncton, ne vous offense pas, j'entreprendrai, avant qu'il soit trop tard, de vous faire apercevoir des malheurs qui vous menacent. » Cécile, effrayée, restait indécise. « Je vois, lui dit-il après une assez longue pause, que votre résolution est immuable. Il est certain que vous en porterez seule toute la peine. Je suis fâché que vous sentiez si peu le danger que vous courez. Peut-être vous repentirez-vous un jour d'avoir refusé les conseils d'un ami qu'il a été depuis votre enfance. À présent, il ne vous paraît qu'officieux et trop hardi. Tout ce qu'il peut faire de plus prudent est de vous quitter. Quoi, M. Moncton, vous m'abandonneriez ? Ce ne sera qu'autant que vous le désirerez. Hélas, je ne sais ce que je dois désirer, excepté le rétablissement de cette sécurité intérieure qui, même au milieu des chagrins les plus amers, me soutenait et me consolait, et qui ne s'est éloignée de moi que depuis 24 heures. Si l'on vous persuadait que vous avez eu tort, seriez-vous encore déterminé à persister dans votre résolution ? Si je savais, si je voyais, s'écria-t-elle vivement, le vrai chemin que je dois suivre, je n'hésiterai pas un moment à le prendre. Mon cœur ne serait point consulté. Rien ne me coûtera pour gagner ma propre estime. Quelles peuvent donc être vos doutes? Pour vous retrouver dans le même état où vous étiez hier, il ne faut que le vouloir. Hélas, tout s'y oppose, la justice, l'honneur, tout ce qui lie les honnêtes gens, et tout ce que ceux qui ont quelque délicatesse regardent comme sacré. Ces scrupules sont romanesques. Si votre bon sens n'était ni gêné ni offusqué, il les condamnerait sans hésiter. Actuellement, il est livré aux préjugés et aux passions. « Non, s'écria-t-elle, rougissant d'une pareille prévention. J'ai peut-être contracté, avec trop de précipitation, un engagement sur lequel j'aurais dû réfléchir davantage. C'est une faiblesse du jugement, et non du cœur, qui m'empêche de réparer mon erreur. Vous ne voulez cependant pas que je vous dise les suites qu'elle aura, et comment vous pourriez vous y soustraire ?»« Pourquoi non, monsieur ? » s'écria-t-elle en tremblant. « Parlez en toute assurance, je suis prête à vous entendre. » Je vous dirai donc, en peu de mots, que vous entrez dans une famille dont chaque individu vous méprisera. Ils vous regarderont tous comme fort au-dessous d'eux. On trouvera mauvais que vous y soyez introduite, pour ainsi dire, furtivement. Votre naissance sera le sujet de leur plaisanterie. On ne parlera de vos ancêtres que par dérision. Et tandis que les orgueilleux propriétaires du vieux château vous témoigneront ouvertement leur dédain, l'homme pour lequel vous souffrirez toutes ces mortifications n'osera pas vous en faire sentir tout le ridicule. « Cela est impossible, de toute impossibilité !» s'écria Cécile avec beaucoup d'émotion. « Ce tableau est exagéré, et le dernier trait n'a pas la moindre vraisemblance. »« Il est le moins douteux, » repartit M. Moncton. « L'homme, qui n'ose pas actuellement vous avouer, sera bien moins capable alors de vous défendre. Au contraire, pour mieux faire sa paix, il sera le premier à vous négliger. Les terres de ses ancêtres, qui tombent en ruine, seront réparées aux dépens de votre fortune, tandis que le nom que vous apporterez dans la famille sera toujours considéré comme une tâche. On profitera de vos dépouilles en vous méprisant. Les mots qu'une pareille alliance ne saurait manquer d'attirer sur vous ne se borneront pas encore là. Vos enfants même, supposés que vous en ayez, seront élevés dans leurs principes. On leur apprendra, dès le berceau, à faire peu de cas de leur mère. « Ce que vous dites est horrible !» s'écria Cécile. « Je ne saurais en entendre davantage. » Quelle perspective vous venez de m'offrir? Il faut donc vous y dérober, tandis que vous le pouvez encore. Deux routes se présentent devant vous. Ne choisissez pas celle qui vous perd. Faites sur le champ courir après Delville. Dites-lui que vous avez recouvré votre raison. Il y avait longtemps que je l'aurais fait. Je n'avais pas besoin pour cela de représentations telles que les vôtres. Mais je ne sais où adresser ma lettre, ni le chemin qu'il a pris. Vil artifice de sa part, pour empêcher que vous ne retiriez votre parole. Non, monsieur, non. S'écria-t-elle vivement. Quelque vrai que puisse être votre peinture en général, tout ce qui concerne. Honteuse de la justification qu'elle était prête d'entreprendre, quoique persuadée intérieurement de son innocence, elle s'arrêta et n'acheva point. N'étiez-vous pas convenu du lieu où vous vous rencontreriez? Dit M. Moncton. Vous pourriez y envoyer votre lettre. Nous ne devions nous y rencontrer, répondit-elle très confuse, qu'au dernier moment. Il serait trop tard, il serait trop. Je ne saurais, sans la prévenir, manquer une promesse faite sans restriction et sans condition. Est-ce là votre seule objection? Oui, mais c'est une objection que rien ne saurait réfuter. C'est-à-dire que vous renonceriez à ce mariage mal assorti si vous n'étiez retenu par vos scrupules relativement au peu de temps que vous aurez pour le lui annoncer. C'était mon intention avant votre arrivée. Eh bien, je me charge de faire disparaître cette objection. Chargez-moi seulement de cette commission, soit verbalement ou par écrit. J'entreprends de le trouver et de m'en acquitter avant qu'il soit nuit. » Cécile, qui ne s'attendait guère à cette offre, devint tout à coup extrêmement pâle. Et après une pause de quelques moments, elle lui dit d'une voix tremblante. « Quel est donc votre avis, monsieur ? De quelle manière ? Je lui dirai ce qu'il faut. Vous pouvez vous en fier à moi. Non. Il mérite du moins des excuses de ma part. Mais comment ? » Elle s'arrêta, hésita, sortit de la chambre pour aller chercher des plumes et de l'encre et rentra sans en apporter. Son agitation augmentant à chaque instant, elle le pria d'une voix faible de l'excuser et de lui permettre d'aller consulter Madame Charlton, et promettant de ne pas tarder à revenir, elle se hâta de la joindre. M. Moncton, en la voyant si émue, crut qu'il n'y aurait trop de risque à la perdre de vue. Il lui dit donc qu'elle ne ferait qu'augmenter son embarras sans retirer le moindre avantage des avis de Madame Charlton, et que si elle désirait sincèrement de se rétracter, il ne lui restait pas un moment à perdre. Et qu'il fallait qu'il suivît immédiatement Delville. Cécile, convaincue qu'il lui disait vrai, et se souvenant qu'une heure ou deux auparavant elle avait elle-même désiré ardemment de renoncer à cet engagement, rappelant alors à toutes ses forces après un court mais pénible combat, elle résolut d'agir conformément à sa déclaration et à son caractère, et par un grand et dernier effort, de mettre fin à son incertitude en faisant triompher sa raison de son inclination. Elle ordonna qu'on lui apportât de l'encre, des plumes et du papier, car il lui semblait que tout lui manquait, quoiqu'elle en eût sous les yeux. Il écrivit la lettre suivante. « À Mortimer, Delville, écuyer. Ne m'accusez pas de caprice et pardonnez mon irrésolution. Si je frémis de la promesse que je vous ai faite, et si je n'ai plus la force ou la volonté de l'accomplir, j'aurai peine à soutenir les reproches de votre famille. Mais ceux que je me ferai à moi-même d'une action que je ne saurais ni approuver ni justifier seraient encore plus accablants. Chargé d'un poids aussi pesant, la vie me deviendrait insupportable. L'idée que je serais coupable en abrégeant des jours qu'elle empoisonnerait rendrait ma mort affreuse. Telle étant ma façon de penser relativement à l'engagement que nous avons contracté, vous ne sauriez blâmer les craintes qui m'agitent au moment de le remplir. Hélas, comment pourriez-vous vous flatter d'être heureux avec une femme qui, en vous donnant la main, perdrait à jamais tout espoir de bonheur? Je rougis d'une rétractation si tardive, et je m'afflige d'avance du chagrin qu'elle vous causera, mais je n'ai pu résister aux reproches de ma conscience, qu'on ne dédaigne jamais impunément. Consultez la vôtre, et je n'aurai pas besoin d'autres défenseurs. Adieu. Puisse la félicité la plus constante être votre partage. Si l'assurance de la perte de ma tranquillité était capable de diminuer le ressentiment que vous causera la lecture de cette lettre, je puis vous la donner sans hésiter. Je ne consentirai cependant jamais à un mariage clandestin, et en convenant que je ne suis point heureuse, je vous déclare solennellement que ma résolution est inaltérable. Un peu de réflexion vous convaincra que j'ai raison, mais il vous faudra beaucoup de modération pour me pardonner de l'avoir eu si tard. Cécile Beverley. Cette lettre qu'elle plia et cacheta la hâte, crainte que son courage ne vînt à se démentir, fut remise à M. Monckton, qui, agité de la même crainte qu'elle, se donna à peine le temps de lui dire adieu et prit le chemin de Londres. Cécile fut rejointe par Mme Charlton pour lui rendre compte de ce qui venait de se passer, et malgré le chagrin qu'elle ressentait de faire de la peine à l'homme du monde qu'elle aurait le plus désiré d'obliger, elle trouvait cependant une secrète satisfaction dans le sacrifice auquel elle s'était décidée, qui la récompensait d'une partie de ses souffrances et lui procurait une espèce de tranquillité. Elle n'avait point encore éprouvé tout le pouvoir de la vertu. Elle y trouve alors une ressource contre les plus vives afflictions et un soutien dans l'adversité.